trouvé ma voie, plus jamais je déraille. Tout seul même quand j'avais des rails. Futur nouveau, riche, ancien, misérable. Donc quand la rue chuchote, j'ouvre bien mes oreilles. J'ai appris de personne, j'en ai juste déduit. Déduit que mes chances, elles sont juste réduites. Réduit le champ de vision de mon cœur. Plus rien qui me touche, plus rien qui me séduit. Où va le monde, sa mère? Dans nos rues, rien que sa mère. J'ai pris 50 salaires, j'ai plus goût amer. Dans la bouche, là, j'ai plein de saveurs. Pour moi, c'est inné, pour eux, c'est un mystère. Le destin des enfants Lannister. C'est pas la fin du gang, Mida, c'est moi, c'est Varty et Marais à l'Easter. Monté comme l'éther, je suis toujours déter. Après quelques années dans les ténèbres, pourquoi tu crois que t'es libre? La vie c'est terrible, c'est tes rêves qui dérivent. Les yeux rouges sur le périph', je ressors à porte de mon treuil. Mon récit prend de l'ampleur, sache que si t'as l'œil trop proche de mon portefeuille, tu passeras pas les portes de mon cœur. J'ai aimé à perte, car ici t'es malheur, des tensions bêtes. Et c'est souvent le plus rassasié qui vient à ta porte et qui tend son bec. J'ai trop dépensé, des fois je pense à moi et je tords d'y penser. Sans personne le mur j'ai franchi. J'parle en français, j'ai dur, j'y venger. Ouais, ouais, j'vais tous nous venger. Et quand j'dis tout, j'parle de ceux avec qui j'ai volé pour manger. Pas de menticité, c'est mon authenticité. Peut-être qu'il les a dérangés. En tout cas, j'suis là et j'ai tout baisé, j'ai misé, j'suis visionnaire. J'manie la langue de Molière sans rature, pourtant jamais ouvert un dictionnaire. Seul décisionnaire de ma vie, sa mère. J'prends le en missionnaire. Fuck les petits salaires, j'fais 2-3 affaires. En 2-2, j'serai millionnaire. Le bonheur hasardeux dans le bloc, un chariot sur le terrain, j'suis sérieux. Ronaldo Nazario, tout seul à mon compte, j'ai pas d'impresario. J'ai déjà changé la fin du scénario. Et j'ai où là-bas? Y'a que des stories, y'a que du taga. Y'a que des bagarres, j'aime pas les zombies, j'aime pas les jaga. Non, non, j'suis dans ma folie, j'veux la Bentayga. Et la Daytona, allume la flamme, baby, fais tout noir. Ouais, fais tout noir, y'a que des stories, y'a que du taga. Y'a que des bagarres, j'aime pas les zombies, j'aime pas les jaga. Non, non. Dans ma folie, j'veux la Bentayga. Et la Daytona, allume la flamme, baby, fais tout noir. Allume la flamme, baby, fais tout noir. Dans ma vie, mets des couleurs. Y'a des choses qu'on dit sans le vouloir. J'suis bresson comme le ciel. Si tu saignes, je les saigne, moi. Pour ma fille, j'ferai la guerre. On se réveillera dans les plus grands palaces avec une vue sur la mer. Mes démons me guettent, ils attendent que je ralasse. Et j'suis même plus sur la terre. J'suis dans l'espace et la lune, je caresse. Moi j'en ai plus rien à faire. Car ici pas très peu de choses m'intéressent. J'cogite, j'ai la tête contre la vitre. Ça fait longtemps que j'avance le cœur vite. J'vais plus demander, j'vais me servir. Oh ouais, ouais. Sert à rien qu'on se prenne la tête. J'réponds pas, mais j'vois des appels. Ouais, est-ce qu'on s'en sortira? J'sais pas, j'ai mal, j'suis loin. J'gamberge aux problèmes du lendemain. J'ai vu tous les signes de mon destin. 6 heures, les keufs tapent à la porte, mais le temps n'emporte rien. Et c'est où là-bas? Y'a que des stories, y'a que du taga. Y'a que des bagarres, j'aime pas les zombies, j'aime pas les jaga. Non, non, j'suis dans ma folie, j'veux la Bentayga. Et la Daytona, allume la flamme, baby, fais tout noir. Ouais, fais tout noir, y'a que des stories, y'a que du taga. Y'a que des bagarres, j'aime pas les zombies, j'aime pas les jaga. Non, non, j'suis dans ma folie, j'veux la Bentayga. Et la Daytona, allume la flamme, baby, fais tout noir.